Cosette, c'est fou. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Assemblage requis. On parle politique avec François Landry. On parle musique avec Simon Fitzbé et de littérature avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 8 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. On t'en dirait avec des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Aujourd'hui, émission chargée à souhait, hein, encore plus que d'habitude. Je pense que t'avais même pas le temps de dire ça, Mathieu. Non? Colin, on devrait aller en musique tout de suite. Non, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret qui était absente mardi, mais donc compense. Se reprend d'une belle façon. Ah, j'en suis certain, c'est à 7h30. Ensuite, à 8h, on aura Simon Fédéric qui nous parle des tapes cassettes, les bonnes vieilles cassettes audio. Là. T'es-tu sérieux? Oui. Comme dans ma Carsica. C'est pareil comme dans ta Wow. Carsica. Tapé sur un Ghetto Blaster. J'ai hâte d'entendre Simon là-dessus. Oui. Peut-être qu'on va pouvoir faire jouer ta cassette de mix, hein? Ouais, mais je l'ai pas débarqué. Ah, on n'a pas de tape deck. Non, hey, ça va pas bien. Hein? Non. Et puis, en fin d'émission à 8h30, on va voir François Landry avec sa chronique politique. Entre ça, il va y avoir CNX, votre bulletin geek. Et en tout début d'émission, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire, François? On va faire tirer les céréales. Hein? Ben, c'est là que ça se passe. Là. T'es-tu d'accord? Oui. Bon, ben, faisons. On va faire ça là. Là. Écoute, premier appel. Okay. Hein? On se casse pas la tête ce matin. Premier appel. Ce qu'on fait tirer, en fait, c'est un ensemble de cadeaux qui vaut environ 50$. Expressément pour le temps des fêtes, donc il n'y a pas de gêne à appeler. Là. Non, c'est la Noël. La Noël? La Noël, oui, exactement. En fait, là, il y a plein de choses dans le sac cadeau. On parle des céréales Chex et c'est ça. Des céréales Chex? Ouais, des céréales Chex. Avec différentes saveurs? Oui, tout à fait. Il y a même des plats, là. C'est des beaux petits sacs cadeaux déjà emballés. Ah, wow! Ça se reçoit bien, ça se donne bien. C'est formidable. Si vous voulez avec. C'est formidable. C'est grâce à Chex. Ouais, exactement. Oui. Donc, un premier appel au 819-376-5183. Ce matin, 819-376-5183. On attend votre appel pendant qu'on écoute les Cowboys Fringants et Asbin. Ça, c'est fou! 89 FM. du fun, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le spectacle? Et si on bouge plus à être des groupies, c'est pas parce qu'on en a pas envie. C'est juste que les jolies demoiselles, ben faut le dire, ça se bouscule plus devant notre hôtel. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. Que du vent à Assemblage Rocky. Oh, wow! Hein? Wow! Hein? Ça part bien la journée. Oui, ça part extrêmement bien la journée, un peu comme un bon petit déjeuner. Exactement, et ça a été gagné. Félicitations à M. Mathieu Beaudoin. Et félicitations pour votre nom aussi, parce que Mathieu Plante, oh, Mathieu Beaudoin, c'est des hein, on les aime, ces Mathieu-là. Belle affaire. Donc, félicitations, Mathieu Beaudoin. Vous avez gagné un sac cadeau des céréales Chex d'une valeur de 50$ juste à temps pour les fêtes. Le sac cadeau est rempli de tout ce dont vous avez besoin pour faire facilement de délicieuses recettes des fêtes à base de céréales Chex sans gluten, comme celle qui se trouve sur le site vivredélicieusement.ca. Allez visiter ce site vivredélicieusement.ca. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Tout à fait. Oui. Maintenant, vous êtes à l'assemblage requis. Bien évidemment, dans quelques minutes à peine, ce sera la chronique Geek CLX, mais voici juste là. Jane's Addiction et Underground. On en profite pendant que personne. Pendant que personne. Pendant que personne. Pendant que personne. Oh, t'as pas arrêté là. Pendant que personne. Pendant que personne. Pendant que t'as pas pris de cœur. Ça sera, tu sais, profitez-en parce que ça sent bien le contenu. Ouais, ouais, c'est ça. Plus de musique. I try and find some love for my pride. That just ain't enough to go around. I'm Underground de Jane's Addiction. Bon, bon, bon, bon. J'aime ça? Non? Qu'est-ce que... Je suis pas sûr d'imitation. Bon, bon, bon, bon. Quand c'est frais, c'est pom, pom, pom, pom. Non. Non? Pas de commentaire, non? Maintenant, non. Oui, par contre, je pense qu'il nous doit de l'argent. voici la collègue Scénix. La chronique CNX, c'est la chronique la plus geek de la radio et votre bulletin geek pour les 48 dernières heures. Il n'y avait pas de chronique hier, donc mardi-mercredi. Fantastique. Commençons avec H&M qui n'aime pas les corps de ses mannequins. Le site, oui. Le magasin, là. Je crois que c'est un magasin, ouais, c'est ça, H&M, ouais. D'accord. Donc, le site suédois Aftonbladet a révélé que la marque a collé la tête de ses mannequins sur les corps dessinés par ordinateur pour faire la promotion de sa lingerie. Les corps des belligérantes retracés par le site suédois sont curieusement semblables. À partir de ces corps artificiels, H&M y dessine ses vêtements et y attache la tête d'un mannequin. Selon Hassan Anderson, l'attaché de presse de H&M contacté par Aftonbladet, cette pratique n'aurait pas pour objectif de mettre en vedette des corps parfaits, mais plutôt de valoriser les vêtements. Bien sûr. Elle ne se limiterait pas seulement à la lingerie, mais toucherait toutes les tenues promues par H&M pour femmes comme pour hommes. Cette pratique a soulevé l'ire de la ministre suédoise de la Culture qui a appelé à un boycott des marques faisant la promotion de beauté déformée. Tu sais? C'est quoi ça? C'est bizarre. Tu trouves juste des personnes qui ont des belles faces, là, puis ça te fait moins de critères, puis tu peux engager plus facilement, puis payer moins cher. Puis, c'est vraiment ridicule. Je comprends vraiment pas. Parlant de beauté, tiens, mettons, les sites web pour adultes ont maintenant un quartier bien à eux sur la toile. En effet, les adresses Internet au nom de domaine.xxx sont en vente libre depuis mardi. Ah ouais? Oui, bien que ça mise t'as en acheté? Marché. Hein? T'as acheté? MathieuPlante.3x? Ouais. Bien sûr, bien sûr. CNX.3x, ça peut être pas pire. CNXXX. Bien que sa mise en marché se fasse en grande pompe, ce nouveau compagnon des bons vieux.com ou .ca est loin de faire l'unanimité. L'entreprise ICM Registry, propriétaire du suffixe controversé, a tenté pour la première fois de faire approuver ce nom de domaine il y a 11 ans. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN, la société à but non lucratif responsable de la régulation des domaines, lui avait alors refusé. Mais en mars dernier, après des années d'hésitation, l'ICANN a fini par céder. Les sites pornographiques qui veulent s'installer dans ce nouveau quartier virtuel devront donc débourser des frais annuels d'environ 60$. Les entreprises qui n'œuvrent pas dans la pornographie, mais qui veulent protéger leur nom de marque, hein, parce que ça se fait, une université, mettons, c'est UQTR.3X, tu l'achètes pour pas que quelqu'un se l'achète puis fasse de la porno avec, là, c'est normal. Ils vont pouvoir réserver leur adresse moyennant un paiement unique entre 150 et 300$. Vous pouvez aller lire l'article sur assemblagerequis.com parce qu'il en reste environ deux fois plus long que ça. Maintenant, parlons des tops de fin d'année. Un peu. À peine. Les tops? Les tops des articles les plus partagés sur Facebook. Des choses les plus populaires sur Facebook en 2011. Que ce soit pour commenter l'actualité, partager une découverte musicale ou livrer leurs états d'âme au monde entier, des centaines de millions d'internautes utilisent Facebook pour se raconter. L'équipe de Facebook Data s'est lancée le défi de filtrer tous ces statuts afin de découvrir ce qui a le plus marqué durant les 12 derniers mois. Donc, palmarès des sujets les plus brûlants. Et là, on parle du Canada seulement, donc vous allez vous reconnaître dans bien des choses là-dedans. En dixième, Skrillex, l'artiste de musique électronique qu'on fait jouer de temps en temps. C'est fou, mais pas mal ces temps-ci. Donc, Skrillex, bravo. En neuvième, Jersey Day, qui est un terme utilisé pour célébrer un nouvel épisode de Jersey Shore à la télé. C'est le Jersey Day, c'est super. C'est fantastique. En huitième, le décès d'Amy Winehouse. OK. En septième, le déclenchement des opérations militaires en Libye. En sixième, le film Insidious. En cinquième, Charlie Sheen. En quatrième, la mort d'Oussama Ben Laden. En troisième, Call of Duty Modern Warfare 3. Non, ouais, avant la mort de Ben Laden. En troisième, donc, juste un petit peu plus populaire. Un petit peu plus. En deuxième, c'est Jack Layton. OK. Oui. Et en première place, et là, personne ne devinerait ça. Steve Jobs? Non. Non? Non. Non, même pas. Et même que, non seulement ça, mais en plus, cet acronyme-là, je connais beaucoup d'acronymes d'Internet là-dedans depuis longtemps. Mais celui-là, je le connaissais pas parce que peut-être que je suis pas assez fan de Facebook de ces temps-ci. C'est l'acronyme LMS. C'est quoi? Ça veut dire « Like my status ». C'est une façon de demander aux autres de liker ton statut. Hein. Genre ultra loser, on s'entend là-dessus. Mais bizarre. LMS, c'est ouais. Bien que la culture pop occupe une place importante dans le palmarès, les usagers canadiens semblent aussi s'intéresser à la politique et aux actualités internationales. Mais qu'en est-il de l'ensemble des internautes de la planète? Voici donc le palmarès des cinq sujets qui ont le plus fait jaser autour du globe. En cinquième, tu l'as dit, la mort de Steve Jobs. Au Québec, on dirait que le monde s'en fout. Bizarre. Ben, on en a parlé quand même. Ben, pas sur Facebook, apparemment. apparemment, parce que c'est pas dans le top 10. Ouais. Mais, au Canada, excuse-moi. En quatrième, c'est Charlie Sheen. En troisième, l'acquittement de Casey Anthony aux États-Unis. Celle qui aurait présumément peut-être tué son enfant, mais qui a été trouvée non coupable. En deuxième, la victoire des Packers de Green Bay au Super Bowl. Et en première, la mort d'Oussama Ben Laden. Voilà, donc pour Facebook. Maintenant, parlons de Twitter un petit peu. Hein. Donc, on va faire un petit bilan des tendances 2011 selon What the Trend. Oui, c'est ça, c'est le site What the Trend. Donc, les 10 plus grands joueurs qui ont marqué Twitter et qui remporte la palme, tu ne seras pas surpris d'entendre dire que c'est un jeune chanteur canadien. Et non, ce n'est pas Jérémy. Non, ce n'est pas Jérémy. C'est poche. Ouais, c'est vraiment triste. En 10e, One Direction, qui est un groupe de musique britannique. En 9e, le tremblement de terre au Japon. En 8e, Britney Spears. En 7e, Super Junior, un groupe de musique sud-coréen. En 6e, Noël. En 5e, les Jonas Brothers. Ensuite, la NBA, Lady Gaga, le soccer. Et en première place, c'est Justin Bieber lui-même. Justin Bieber. Wow. Youpi! Bon, prochain sujet, parce que ça me tape ses nerfs, Justin Bieber. Prédire le non-respect des feux de signalisation, François-Olivier. Grâce à leurs calculs, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology pensent pouvoir prédire le non-respect des feux rouges. En observant des paramètres comme le délai de décélération et la distance qui sépare le véhicule du feu rouge, les chercheurs ont mis au point une formule testée sur un croisement en Virginie où elle a permis d'éviter des situations à risque. Selon le gouvernement américain, 2,3 millions d'accidents se sont produits à des intersections en 2008 et 700 personnes ont trouvé la mort dans un accident causé par le non-respect d'un feu rouge. La moitié de ces victimes n'étaient même pas conductrices, parfois de simples piétons. Les résultats des recherches conduites par le professeur Jonathan Howe et son équipe, publiés dans la revue IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, pourraient donc avoir une grande utilité pratique, mais s'il reste un inconvénient, cette technologie nécessite le dialogue entre les véhicules. Cependant, la communication de véhicule à véhicule sera prochainement envisageable, nous dit-on. Oh, ouais. Oui, au mois d'août 2011, Ford a présenté son système Abicas, un avertisseur de collision fonctionnant grâce au GPS. Le constructeur, moi en tout cas GPS, j'ai tendance à pas faire très confiance à ça. On se rappelle de la madame qui s'est ramassée en plein milieu de je sais pas, d'un marais. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Je suis mon GPS, là, là, là, ça va être petit, tout droit, tout droit, là, là, là. Ouais. Le constructeur a déclaré travailler avec d'autres marques sur une harmonisation de ces technologies. Et l'invention venue du Massachusetts pourrait donc rapidement se retrouver dans vos voitures. Une autre avancée technologique, un prototype de tablette souple et translucide. Samsung a présenté en vidéo et en coréen un concept de tablette transparente et flexible qui pourrait révolutionner les terminaux mobiles de demain. Tu sais, on est déjà tanné d'entendre parler de tablette, là, parce que tout le monde en parle, mais ça pourrait être une bonne idée. Quand même. On pourrait être tenté de disqualifier cette vidéo en n'y voyant qu'une divagation, mais Samsung a déjà présenté des prototypes d'écrans flexibles et transparents. Au Consumer Electronics Show cette année, Samsung présentait, ça on parle du début de 2011, là, ça se passait en janvier 2011, le dernier CES, donc Samsung présentait un écran AMOLED translucide de 19 pouces et au Samsung Mobile Display, un écran flexible de 4,5 pouces. Nokia a profité du salon Nokia World en octobre pour présenter un prototype similaire qui est le Kinetic. Tu sais, on a Kinect, on peut peut-être changer de sorte de mot. Là. Kinetic, c'est pas même un petit peu similaire, mais non, peut-être. Ouais. Mais bon. Nokia et Samsung prévoient tous les deux de commercialiser ce type d'appareil dès l'an prochain. Ultra mince et souple, il suivrait la forme et le mouvement du corps et répondrait aux pressions et aux flexions. C'est assez génial. Dans la vidéo repérée par OLEDinfo.com, le flexible de Samsung est également capable de projeter des images holographiques en 3D. Holographique. Tu sais, 3D, personne n'est vraiment. Non, personne n'a vraiment. C'est envie pas de à ça. Point. Non, vraiment pas. Mais hologramme, par contre, moi, j'aimerais ça avoir ça. Ça pourrait être cool, mais encore là, ils peuvent te décevoir comme le 3D. Oui, tout le monde oui. L'attendait. Tu sais, waouh, 3D, ça va être fantastique. S'il faut que tu regardes des hologrammes avec des lunettes, c'est pas mieux non plus. Là. Hein? Non, mais quand même, ce serait comme jouer avec des figurines. Tu sais, les petites figurines, action figures. On devrait voir d'autres exemples d'écrans transparents et flexibles à l'édition 2012 du CES. C'est en janvier prochain. Janvier 2012, évidemment, on va en parler ici à CLX, ça n'a pas le choix. Hein? C'est comme la plus grosse affaire de l'année, ça, là, ouais. CES, dans la technologie. Hein? Donc, maintenant, parlons d'une faille de sécurité qui rendait publiques les photos Facebook. J'aurais aimé ça savoir ça. Vérifier régulièrement les politiques de confidentialité de Facebook ne suffit plus. Une faille permettait jusqu'à tout récemment de consulter les photos privées de quiconque sur le site. Étonnamment, c'est sur un forum de culturisme que la faille a fait surface pour la première fois. En tout cas, ils devaient regarder leurs propres photos. Culture. Ça regarde le miroir. Bon. Quelqu'un a découvert qu'en rapportant à Facebook une photo jugée inappropriée, le réseau social offrait la possibilité de voir toutes les autres photos d'un membre pour en identifier davantage. Tu sais, tu rapportes qu'une photo est pas correcte, devrait être enlevée, puis ben, tu voyais toutes les autres pour pouvoir dire à Facebook « Hey, celle-là aussi est pas bonne, celle-là aussi est pas bonne. » la personne qui rapportait une photo jugée offensante ou offusquante, comme vous voulez, avait ainsi accès à toutes les photos, même celles classées privées de l'autre membre. Facebook a reconnu l'existence du bug, le résultat d'une mise à jour récente du code, et a affirmé qu'il a été corrigé. Entre-temps, le PDG et cofondateur de l'entreprise a été victime de la faille lui-même, Mark Zuckerberg. Oui, oui. Plusieurs internautes l'ont utilisé pour publier des photos montrant Mark Zuckerberg avec sa copine et son chien ou en train de cuisiner des sushis. Des sushis. Ils cuisinent des sushis ensemble. Wow. C'est cute. Ben oui, il y a une vie. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Ouais. OK, on parle de jeux vidéo maintenant, François, et on commence avec une très mauvaise nouvelle, d'après moi, là, à mon humble avis ici. Shigeru Miyamoto a quitté son poste. Ouais, donc grosse nouvelle, Shigeru Miyamoto annonce qu'il prend sa retraite. Selon Wired.com, il s'agit en fait d'une espèce de semi-retraite puisque le légendaire créateur de jeux vidéo continuera de travailler chez Nintendo, mais sur de plus petits projets, comme à l'époque où il a créé les plus grandes franchises de Nintendo. Dans son entrevue accordée à Wired, Miyamoto, 59 ans, explique qu'il arrêtera de superviser le développement des gros jeux chez Nintendo comme The Legend of Zelda Skyward Sword et Super Mario 3D Land. Il passera donc le flambeau à des jeunes créateurs. Je cite, « Je ne quitte pas le développement, mais je quitte mon poste actuel. Je veux redevenir un créateur sur la première ligne en travaillant sur de petits projets avec des jeunes ou encore travailler seul sur un jeu totalement seul, quelque chose de très petit. » Donc, c'est même pas pour sa retraite. Non, c'est ça. C'est vraiment juste pour quitter son poste. Je sais pas si son salaire descend aussi. Là. Ah, bonne question. Probablement qu'il a fait son argent. J'imagine. J'imagine avec le succès de Zelda et puis... Oui, Zelda, Mario, je crois Donkey Kong, un paquet d'autres gros noms comme ça. Et s'il travaille sur des petits jeux avec des nouveaux personnages, moi j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'il va créer parce que ce gars-là est un génie. Nintendo a tenu à clarifier la nouvelle. Par contre, Shigeru Miyamoto ne prend pas sa retraite selon Nintendo. Il reste chez Nintendo, mais son nouveau rôle sera de s'occuper des plus jeunes. Ça revient un petit peu de dire ce que ça disait juste en dessous, mais bon. S'occuper des plus jeunes au lieu de superviser le développement des plus gros jeux. Il va développer maintenant des petits projets. Nintendo a réagi après que l'action de Nintendo ait perdu 2% de sa valeur. Ah, OK. Donc, on aurait pu juste rajouter la phrase « Nintendo a perdu 2% de sa valeur » et c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Mais ça revient à dire qu'il va aider les jeunes et c'est tant mieux. OK, dernière petite nouvelle en rafale. Il nous en reste deux, mais très, très courtes. Les développeurs de Serious Sam 3 auraient-ils trouvé la solution ultime contre le piratage? Peut-être. Et moi, ça dit dans l'article, peut-être pas, moi je dis peut-être. Donc, leur idée a le mérite d'être très originale selon l'article de jeuxvideo.com. En effet, plutôt que d'imposer un lourd DRM là, qui vous empêche de copier les affaires, les jeux. C'est quoi un DRM? C'est comme un système anti-copie, un paquet d'affaires comme ça. Donc, le studio Crow Team a décidé d'ajouter un ennemi un peu spécial qui n'apparaît que dans les versions pirates de son jeu. Prenant la forme d'un scorpion géant humanoïde, donc de grosseur humaine, la bestiole apparaît dès le début du jeu, ne vous lâche pas d'un pouce, est très rapide et surtout immortel. Donc t'as rien à faire là-dessus. C'est ça, exactement. Et là, va voir la vidéo sur assemblagerequis.com dans la section CNX. Et on la voit arriver. Ça fait faire le saut un peu, peut-être. OK, un peu, peut-être. C'est vraiment fun. Je trouve ça écœurant comme une... Mais ça... Ah, OK. Ah, oh, non. Mais ça, il n'y a pas moyen de l'enlever? Non, c'est non? Ça. Pause. Hey, non, mais c'était peurant, cette affaire-là. Mais qu'est-ce que c'était peurant? C'était peurant. Non, mais pour vrai. L'article s'appelle Serious Sam 3, le scorpion anti-pirate. Allez voir sur assemblagerequis.com et attendez peut-être un petit peu plus tard si vous venez de vous lever. Ça réveille mal, mettons. Et on termine avec un sérieux bug dans Zelda Skyward Sword. Tu sais, le jeu qui vient de sortir, qu'on attendait depuis longtemps, ouais. On a pris l'habitude de voir débarquer des jeux truffés de bugs plus ou moins graves, mais une licence se tenait pour l'instant pudiquement à l'écart de ce festival d'imperfection. En effet, il fallait se lever tôt pour trouver des bugs majeurs dans les différents épisodes de la série des Zelda qui sont plutôt réputés pour leur finition exceptionnelle. Toutes les bonnes choses ont cependant une fin et de nombreux joueurs se sont plaints d'un bug de progression dans Zelda Skyward Sword qui les a purement et simplement forcés à redémarrer une nouvelle partie alors qu'ils avaient déjà atteint le milieu de l'aventure. Donc, on rentrera pas dans les détails, mais ce problème intervient lors de la quête intitulée « Le chant du héros ». Lorsqu'on commence par se rendre dans le désert et qu'on va taper la discute avec un Goron, il ne s'agit pas d'un glitch qui nécessiterait des manœuvres vicieuses et compliquées, c'est juste de faire les choses dans un certain ordre, dans le mauvais ordre, on pourrait dire, pour que le problème intervienne. Nos confrères du site Zelda Informer ont mis la main sur un mail de Nintendo qui indique que le bug en question est bel et bien connu et incite tout simplement les joueurs à ne pas commencer le chant du héros en passant par le désert. Commencez ailleurs et finissez par le désert. Ils veulent pas faire de patch pour l'instant. C'est seulement genre... faites ça dans l'ordre qu'on vous dit de le faire. Mais tu sais, un jeu vidéo, tu suis pas l'ordre. Là. Zelda, non. C'est pas genre étape 1, étape 2. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'es allé voir la vidéo? Oh, ouais. Toi, ça te fait pas peur? C'est dégueulasse. Là. Une bébite de sang qui te saute dans la face. Ouais. Mets ça plein d'écran, voir, en tout cas. Moi, j'aime pas ça. Non, j'avoue que ça bousille un peu le jeu. Hein. Ouais, vraiment. Puis c'est comme ça, là, il te lâche pas. Là. Puis c'est pas tuable. Rien à faire. J'adore l'idée. Oh, c'est génial. C'est bien. Ça m'énerve en tant que pirate de jeux vidéo. Mais... Pas vrai du tout, pas vrai du tout. Donc, un petit peu. Allons-y avec de la musique. Aujourd'hui, c'est pas du chiptune, hein. Tu sais, vous savez que j'utilise le, ouais, j'utilise le mot chip. Ben, ouais, commence pas à être si content tout de suite. À me réjouir trop vite. Parce que c'est du chiptune un peu par la bande, mais en tout cas, je t'explique. Donc, comme un peu au Kego, non? Non, plus chiptune que ça. Ah. OK, donc, on parlait de Legend of Zelda Skyward Sword il y a quelques minutes à peine. Donc, la musique de ce jeu-là est parmi les meilleures trames sonores de jeux vidéo de la série de Zelda et des jeux vidéo en général. Mais les mélodies sont-elles bonnes si on les réduit à leur plus simple élément? Hein? C'est ce que s'est demandé l'utilisateur de YouTube Mischievous Musings, qui a posté ce qu'on appelle un « demake » de la chanson thème Ancient Arbor, telle qu'elle aurait sonné si le jeu Skyward Sword avait été publié ou édité sur une Super Nintendo à la place d'une Nintendo Wii. Hein? Okay. OK, sur une console plus vieille, 16 bits. Donc, il prend les instruments du jeu Legend of Zelda A Link to the Past sur la Super Nintendo et donc refait la chanson thème. On va écouter, pour commencer, bien évidemment, pour savoir de quoi on parle, la chanson thème un petit peu de Skyward Sword sur la Wii. OK. Donc, tu vois, c'est du style un petit peu égyptien, flûte de pan. Ouais. Comment t'appelles ça, flûte de pan? Comment t'appelles ça? Ouais, hein? Le... Comme Yanni, la chose. J'ai origami, mais je sais que c'est pas ça, l'origami. Il joue de l'origami. Non, mais... Déchets du carton. Ah, je sais, ils en ont fait, là. On avait parlé un moment donné. Ouais. En tout cas, vous savez de quoi on parle. Donc non. Ça, c'est la chanson originale, surtout pas. Ça, c'est sur la Wii. Donc, allons écouter le demake par l'utilisateur Mischievous Musings sur la Super Nintendo. À Cenix. C'est possible. C'est fou. Pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Oui, il reste encore 1h20 minutes environ à Assemblage requis. Votre émission matinale en pièces détachées, hein, on l'a dit? Ben oui, on l'a dit. Dit. On l'a dit. As-tu dit? On l'a dit une autre fois? Non. Ça va faire, hein? Tout ça offert par... commandité par le service aux étudiants. Oui, qu'on remercie hein, toujours, à chaque jour, le service aux étudiants qui est très, très au service de ses étudiants. D'où le nom. D'où le nom, pas mal. Exactement. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir, François. Maintenant, on accueille Marie-Pierre, qui n'était pas là mardi, mais qui a transitionné là, d'une façon très magistrale vers le jeudi, comme ça. Donc, c'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. En janvier, je vais enlever les clochettes, OK? Merci. En janvier. À chaque semaine, un jour, un jour. Mais je vais avoir le temps pendant les fêtes. Hein? C'est pas comme si je déménageais, mettons. Puis je... C'est pas comme si tu déménageais. Non, c'est pas ça. Non. Donc, Marie-Pierre, bienvenue à toi. Jeudi et matin, bonjour, très tôt, hein, pour toi? Jeudi matin, très tôt. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais. Différent. 14h l'après-midi pour les palmarès, c'est une bonne heure. C'est une bonne journée de radio. Bah oui. Hein? Ouais. Ouais, aujourd'hui, ça va être assez. Intense. Oui, de 7h30 à 5 avec une petite pause entre les deux. Mais on est content parce que c'est ça que les auditeurs veulent, une belle voix comme ça, avec une fille tellement sympathique, drôle et je te dirais compliment à n'en plus finir. Ouais, je te complimente des fois, là. Je suis tellement fatigué avec toi, ouais, au palmarès. Donc, de quoi tu parles? Pas si pire, non, je suis pas super. Ouais, non. Ben non. Il est pas tannant. Une chance que t'es pas là, toi, par contre, François. Non, parce que je suis pas tannant. Non? Hey. Ah. Tu tannant, Marie-Pierre? Mais c'est peut-être ensemble que vous êtes tannant. OK. C'est pas individuellement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il t'épargne quand même, parce que, tu sais, mettons, comparé à Stéphanie, à. Non, mais Stéphanie. Jasmine et t'as-tu entendu ses chroniques? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il crée vraiment l'impression pour certains de nos auditeurs qu'ils détestent les chroniqueurs. Je déteste tout le monde. C'est ça. Bon. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout plein de haine. Ouais. Tout plein de haine. Ouais. Est-ce que c'est le nom du livre que tu vas nous parler aujourd'hui? Ah non, mais c'est non? Un livre plein de haine. Ah ouais, pour vrai? Ils l'ont pas appelé comme ça. Vous allez voir. Okay. en fait, je viens vous parler du livre Le Parfum. Écrit par l'écrivain allemand Patrick Soskind. Ça paraît très haineux avec le nom Le Parfum. Attends, oui. Attends. OK. Et c'est ce livre-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que il est paru en 1986. Il a été traduit en 45 langues et vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est un succès, tu sais, quand même. Hein? Assez best-seller mondial, on peut dire ça comme ça. Et il y a eu une adaptation filmique en 2006, donc le film du livre. Est-ce qu'il s'appelle aussi Le Parfum? Oui, Le Parfum, histoire de meurtrier. Ah, OK. Mais attention, c'est très difficile de le trouver. Je sais qu'il est à... On peut le trouver à Trois-Rivières. Mais par contre... Peut-être, oui, hein? Au Colimaçon, absolument. Et par contre... J'aurais bien dit l'adresse, mais je la connais pas par cœur. C'est sur la rue Notre-Dame? Au coin du Bravo. Exactement. Bon. Pas au coin du non, Bravo. Pas non, pas non. Pas là? Non. Non. L'autre coin. Ben, pas loin du Nord-Ouest. Là. Non, non, oui, exactement. C'est sur la même rue que le Nord-Ouest. C'est ça. Et donc, il y a moyen de le trouver à Trois-Rivières. Par contre, il est discontinué. Donc, il n'y en a plus dans les magasins. Et je crois qu'il n'est pas traduit en langue française. C'est des sous-titres. Mais okay. Bon, ça se fait très le bien. Le film, le livre, il n'y a pas de sous-titres, par contre. Non, le film. Okay. C'est le film comme le colimaçon. Oui, oui. Donc, je vais enchaîner un petit peu avec ce qui se passe dans ce livre-là. En fait, pour vous mettre en situation, oui, ça a été écrit en 1986, sauf que ça porte sur le 18e siècle en France. OK. Donc, ça se passe à Paris, au 18e siècle. Le personnage principal s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Et c'est... Grenouille? Non, mais oui. J'avais entendu le nom poisson, il me faisait déjà rire, mais le nom grenouille... Hey, des blagues de même, fais attention avec Mathieu, là. Mais non, c'est pas une blague, c'est son vrai nom. Mais en même temps, ça fait penser à... Oh, grenouille! Oh! Tu sais, le genre d'insulte au français, le frog, là, ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine que ça a absolument un lien avec ça. Donc, Jean-Baptiste Grenouille, qui est un orphelin... Il commence avec toi. Ouais. Ouais. Attention. Attends. Qui est un orphelin... Dès sa naissance, il y a un sens particulier qui fait de lui un être spécial, c'est que son nez est surdéveloppé. Okay. Et quand je dis surdéveloppé, attention, il peut sentir à travers les objets, à travers les murs, à plus de 5-6 km de distance. Oh, c'est pas plaisant, ça. Il connaît toutes les odeurs. Il dit lui-même qu'il a le meilleur nez de Paris, le meilleur nez de la planète. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un nez qui est très fin et qui développe tout au long du livre...

t'apprécies les deux, mais d'une manière différente. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais pensé le contraire. J'aurais commencé par le film pour que le livre ait l'air d'un genre de bonus feature avec plus de matériel. Version allongée, director's cut. Ah, ben, tu pourrais. C'est pas mauvais, mais les deux valent beaucoup la peine, sérieusement. D'accord. C'est une très, très bonne suggestion. Je trouve que ça a l'air très bon. Et puis, dans le temps des fêtes, là, tout le monde a le temps de lire. Oui. Donc, voilà. Ben oui. Prenez, si vous ne déménagez pas. Ça, c'est vrai, par exemple. Le livre, il est vraiment bon. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de lire, puis qui se prend le matin, ben, va peut-être le finir en deux jours. Là. Ouais. Donc, ça se lit super bien, c'est super agréable. Donc, c'est le même parfum. Même si c'est dégoûtant. Ouais. De Patrick, comment se prononce son? Soskind. Oui, donc, le parfum Histoire de meurtrier de Patrick Soskind. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On te retrouve dans deux semaines. C'est les mardis à 8h et non en ce moment, le jeudi matin. Hein? Oui. Quand même. Tu sais? Je vais peut-être vous parler du film la semaine prochaine. Mais on peut te retrouver après-midi aussi. Oui, cet après-midi au Palmarès. C'est fou. De retour, Marie-Pierre, après une absence. On est heureux de te revoir. Comme toujours. Oh. Oui, parce que la semaine passée... Hey. Il va commencer à parler contre Jasmine parce que c'est elle qui a gagné avec moi. On parle pas contre les filles. Ah, OK. Bon, parle contre moi là, si tu veux vraiment parler contre quelqu'un. Non, toi, t'étais super bon, man. Hey, merci, Colin. Je pensais pas que tu serais fin avec moi aussi. Il n'y a pas de genre, à ça. On écoute une pièce à tout briser. Elle brise notre studio. On brise les micros. En tout cas, on écoute une pièce de l'album Blonde de Cœur de Pirate. Voici Danse et Danse. Et après ça, Simon Fitzbé va être avec nous. Oui, il s'en vient. Oui, tu connais Simon Fitzbé. Ben oui. Ben oui. Salut, Simon Fitzbé. La dernière fois, tu m'as reproché de ne pas avoir dit salut à Simon Fitzbé. Donc, je lui dis. Oh. Hey, gratte. Écoute-moi, observe-moi, garde-moi collé. Aspire-moi, préfère-moi, garde-moi collé. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Enferme. Protège-moi, garde-moi caché. Aveugle-moi, respire-moi, garde-moi caché. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Salomé Leclerc avec la pièce Garde-moi collé. Hey, on a trouvé l'album de Salomé Leclerc, François. Ouais, on le trouvait pas. On voulait en faire jouer tantôt. Il était dans la pochette de Cœur de Pirate. Mmh. Et où était le CD de Cœur de Pirate? Dans la pochette de Cœur de Pirate. Oui, aussi dans la pochette de Cœur de Pirate. Il n'y a pas eu d'échange. Cœur de Pie. Juste, Cœur de Pie. Cœur de Pie. Alors que Salomé Leclerc avec une de ses pièces un petit peu moins entraînantes. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Ça arrive, hein? C'est pas nécessairement supposé être celle-là. Non, pas nécessairement, tu sais. Pas nécessairement. Non, non, non, elle était slow un peu. Hein. C'est bon, là, mais t'es dans un autre genre. Bon. Un autre genre de chanteur. Bon, bon, bon, bon. Donc, on va terminer l'heure ici. On va revenir avec Simon Fitzbé tantôt. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que j'avais préparé mon affaire ici? Non. Ah, là, là. Oh oui. Donc, il faut qu'en plus, avant ça, Simon Fitzbé après, François Landry, chronique politique. Ouais. C'est un bon menu quand même. Oh, t'as de la surprise. Une chronique politique. T'as jamais écouté le jeudi, je pense. Ben, non, le jeudi matin. Tu te lèves à 1h30 pour venir au Pavard, c'est fou. Mais non, c'est oui. pas vrai. 1h30, sinon 1h45. Ah oui, ça. Ben oui. T'arrives wow. ici. En fait, je dors à l'école. Chanceuse. Formidable. On aime ça. Ah, ça ouais. Mais ça paraît pas, par exemple, dans ta voix que ça fait seulement 15 minutes que t'es debout. Ben, en fait, ça fait à peu près une demi-heure. Tu sais, non, mais à 2h. À 2h quand tu fais les palmarès. Ah. Parce que François nous écoute, hein. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, ok. Ouais. J'en prends note. Ouais. Est-ce que toi, tu nous écoutes le matin? Non, apparemment, parce que c'est la bonne politique. Mais bon, mais je savais qu'il pas. Y en avait une, mais je savais pas que c'était lui. Oui, à 8h30. Est-ce que tu savais que c'était François Landry? Oui. Oui. Est-ce que tu savais que François Landry aura plus de barbe bientôt? Non, parce que je ne connais pas François Landry. Ah. Mais je peux le saluer quand même. Ben oui, ben je oui. me le ferais dire. Salut François Landry. Non, il y a un concours avec en fait un défi, si on veut. François Olivier doit se laisser pour ça, la là, barbe. Ça, là. C'est pour ça qu'il a l'air genre hideux. Ne me regarde pas la figure. C'est comme l'After Movember. Ouais, c'est ça. C'est... Mais je suis tout seul. Donc, c'est ça. Pour l'instant, il faut qu'en plus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est juste dommage que le créneau des potins de qui couche avec qui est déjà pris par le journal de l'ITR, donc on peut pas vraiment se mettre dans ce créneau-là, c'est déjà fait. Écoute, moi je suis tellement content de pas avoir à parler de ça en nombre. Une chance, hein? Ouais. Ouais, mais ce serait le fun d'avoir une petite chronique de même potin. Écoute, lâche-toi lousse, Mathieu. Non. Voilà, on va t'écouter. Non, ça... Non. Ben, je me rends compte aussi que je suis pas mal moins au courant que j'étais à l'époque, dans mon jeune temps. Là, ça, c'est... Dans ton jeune temps. Ouais. Le bon vieux temps, ben. Il se gratte la barre puis là, il s'imagine quelque chose. Ah, quand j'étais au bac, là, en tout cas, mais c'est différent. Ouais. Donc, Simon Fitzbé qui est avec nous pour sa chronique phénomène dans quelques secondes là, après avoir parlé de potins comme ça dans cette émission aussi présentée par le service aux étudiants. Je suis sûr qu'ils apprécient les références qui couche avec qui. Je pense qu'on devrait arrêter d'en parler complètement. Ouais, à partir de maintenant. Et on commence phénomène. Ben, supplé. Hein? Plé. Stop. Rewind. Record avec les deux boutons en même temps. Ah, oh, boy. Puis, faut que tu mettes ça sur pause en même temps. Okay. Le genre de petit... Au début. Oui. Quand tu pars. Ah. Donc, aujourd'hui, vous aurez deviné qu'on parle des cassettes audio, des mini, les petites, pas les mini, les petites moyennes. Ouais, les moyennes. Ben, les cassettes standards qu'on a tous connues quand on était jeunes, si vous avez dans la vingtaine, ouais. en montant, parce qu'en descendant, c'est plus sûr. C'est plus vraiment les cassettes, non, mais ouais, on parle de ça aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire bonjour François-Olivier Marchand. Hey, bonjour Simon. Bonjour Ted Mosby. Merci. Et que me vaut l'honneur de ce compliment? Parce que Ted Mosby dans How I Met Your Mother reprend toujours les gens. Et d'ailleurs, il y a un personnage. J'ai fait ça une fois dans ma vie. J'ai écouté une émission hier justement où ils se disaient leurs quatre vérités et ouais. Ted est toujours en train de reprendre Robin, son ex, il dit tout le temps littéralement. Oui, ah, pour vrai. Ouais, arrête. Ouais, donc, hey. c'est pour ça m'a inspiré. Voilà. Mais ça m'apprendra de t'avoir corrigé une fois. Dorénavant, tu diras les niaiseries que ça te tente dans le sens qu'ils veulent rien dire. De, en tout cas, maudite barre de porte. Ça me dérange pas. Non? Ça me dérange pas. Tu peux me reprendre quand tu veux. Mais moi, c'est juste pour ton bien. Oui, mais c'est correct. J'apprends. On est à l'université. Ben, faut être ouvert à l'esprit. Corrige-moi sur tout ce que je fais. Ça va être mérité. T'es un bon professeur, Mathieu Plante. Bon, merci. De ce compliment que je suis pas certain qu'il est tout à fait honnête, mais. Hey, certainement. Hey, come on! Ok, hey, bon, on a une chronique à faire. Les gars, t'es cassette. La cassette de mon. La cassette compte. La cassette Mosby. Hey, mais la cassette Mosby. Oui. J'ai hâte. Quand j'ai su que tu parlais de ça ce matin, j'avais hâte parce que, sais-tu quoi, je me suis enregistré des cassettes dernièrement. J'ai emprunté un tape deck. Un ghetto blaster, qu'on appelle. Ouais, c'est ça, exactement. À Danny Janvier. Merci d'ailleurs, Danny. Dîner de con lundi au jeudi, 11h13. Parce que dans mon auto, j'ai juste ça. Et ça me tentait pas d'acheter une cassette avec un fil. Pour brancher un lecteur CD. C'est quoi, une Corsica 90? Dans ce temps-là, les cassettes étaient encore à la mode. Il n'y avait pas encore de lecteur CD dans les autos. Effectivement. C'est bon. Ben, il n'y avait pas moyen également de contrer l'anti-choc. C'est ça, parce que c'est une chanson de 3 minutes durait 6 minutes avec le skipage. Oui, mais tu vois encore là, mon char aujourd'hui, il y a un lecteur CD et... C'est pas à point. Non, c'est pas à point. Tout à fait, quand je suis sur l'autoroute, là, en tout cas. Bref, messieurs, la cassette audio compacte, ou tape cassette, est une technologie fantastique. Développée pendant les années 1940 et mise en marché... Oui, ça date de longtemps. Ça a été mise en marché, bien sûr, par la compagnie Philips pendant les années 1960. Elle a été l'outil de prédilection des fans de musique qui souhaitaient apporter leur musique sur le go et qui voulaient également donc éviter les problèmes que pouvait engendrer la surutilisation de vinyle. Bien sûr, il s'agit aussi d'un instrument pour les pirates qui pouvaient aussi copier leur musique à leur guise, ainsi que pour les geeks qui ont trouvé une utilité tout autre que sonore à cette petite boîte de plastique. Oui. On va en parler vraiment, vraiment vite là, à la fin de la chronique, mais quand même, c'est très, très intéressant. Mm-hmm. D'abord, le concept de la cassette. Eh bien, la cassette est composée de 4 canaux distincts qui servent à la répartition stéréo des deux côtés de la bande magnétique. On retrouve donc 2 canaux sur un côté de la bande et 2 autres sur le second côté. La plupart des cassettes ont un temps de défilement total de 60 minutes et la vitesse de défilement est généralement de 7625 cm par seconde, c'est-à-dire environ 1,7 km à l'heure. On peut pas rouler avec une cassette dans notre char. C'est-à-dire, la cassette peut pas faire rouler le char. Parce qu'on ira pas vite. Mais bref, ça limite malheureusement la qualité du son, bien sûr, qu'on peut obtenir de l'objet, surtout avec les hautes fréquences. Et c'est pourquoi on retrouve souvent des systèmes pour enrayer les bruits de fond que nous avons tous connus sous le nom de Dolby lorsqu'on était jeune. Mais Dolby, moi, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire avant de faire cette chronique. Ah. Mais c'est peut-être juste moi. Tu vois, moi, non, tout à fait. Moi, on entendait souvent, il y avait l'icône Dolby, mais ça sert à quoi? On savait. Oui, exactement. Et moi, je pensais que ça avait rapport avec le stéréo, pas avec la cassette en général. Mm-hmm. Donc, l'historique de la chose, mais tout d'abord, avant même de pouvoir concevoir l'idée d'une cassette, il fallut qu'on invente plutôt, bien sûr, un ruban magnétique, celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'Allemand Fritz Pneumer qui a inventé le ruban en 1928. Le ruban magnétique qui fonctionne grâce à la polarisation de particules magnétiques, en l'occurrence de l'oxyde de fer. Par la suite, la compagnie AEG, a lancé le premier magnétophone à rouleau, à rouleau de bande magnétique, le tout premier, donc magnétophone. Et c'est le même comme nom ça, que déjà. Les petites enregistreuses à cassette que j'avais quand j'étais jeune. Oui, exactement, sauf que c'était avec des grosses bandes, et là on parle... Je suis pas un expert en pouces, non plus. C'est un quart de pouce, un demi-pouce. En tout cas, c'est quand même assez large comme bande. Mm-hmm. Ça prenait des grosses roulettes, en tout cas. C'est assez incroyable. L'utilisation du magnétophone a d'abord été commerciale à cause de son prix, qui se chiffrait à plusieurs milliers de Deutschmark à l'époque, plusieurs milliers de dollars. Et il s'agissait donc uniquement des stations de radio et studios de musique qui pouvaient se permettre d'utiliser cette ingénieuse invention. Et il fallut attendre la fin des années 1950 pour que les magnétophones et les bandes finissent par avoir un prix abordable dans les centaines de dollars et pour avoir une utilisation domestique de la chose. Lay down for surrender to the void. Et donc, il s'agissait bien sûr des Beatles sur l'album Revolver, la pièce Tomorrow Never Know qui terminait l'album. Et on peut se demander qu'est-ce que ça a fait en rapport avec les cassettes. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de sons qui ont été utilisés dans cette pièce-là qui étaient des bouts d'enregistrement que Paul McCartney avait emmené à la maison. Il avait joué avec ça en tenant ça avec des crayons sur son magnétophone. Okay. Et ça avait été assez intéressant. Et ils ont décidé d'enregistrer ça et de mettre ça sur une pièce. Et comme on est en train de parler des rubans magnétiques, pourquoi ça fit. Ben oui. Et oui. Est-ce que tu as vu les constructions de rubans, de cassettes? Oui, ouais. Oui, il y en a entre autres qui font les visages des Beatles. J'ai mis sur ton article sur assemblagerockey.com. Génial, c'est parfait. Hein. C'est la meilleure façon justement de représenter la chose. Wow. Et c'est RCA qui a lancé la toute première cassette en 1958. Elle faisait alors 5 pouces par 7 pouces et offrait de la musique sur les deux côtés de la boîte. L'invention n'a pas attiré par contre un grand public, probablement à cause de son prix exorbitant bien sûr, mais a lancé la course pour un format plus pratique parce qu'on se rendait compte que c'était gros comme une cassette vidéo, un petit peu plus petit qu'une VHS comme on a connu. C'était pas très très au point encore. Faut bien commencer quelque part. Oui, exactement. Et c'est Philips, encore une autre compagnie allemande, qui trouve la solution en 1963 et lance sur le marché une cassette compacte qui est devenue disponible aux États-Unis en 1964. La cassette compacte est devenue un hit avec donc ses lecteurs, appelés les enregistreuses, qui se sont écoulés à plus de 250 000 unités en 2 ans. Ce qui est quand même bien dans un pays qui comptait une centaine de millions de personnes à l'époque. Ça se vendait bien. C'était révolutionnaire, je veux dire, de pouvoir enregistrer des affaires. Oui, exactement, exactement. Ben, d'avoir ça à la maison, oui. Parce qu'avant, c'était les studios d'enregistrement, il y avait des grosses bobines et c'était pas pratique. Là, maintenant, c'est quelque chose même qui était pratiquement assez petit pour qu'on l'emmène. Compact. Ouais, qui était quand même assez compact. Surtout la cassette, ça se traînait très bien dans des poches. C'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Donc, tout le monde était content dans ce temps-là de la copie parce que, je veux dire, non seulement, je m'avance là-dessus, mais tu sais, les stations de radio devaient être contentes d'eux autres parce que t'entendais les QSFM au début de chaque chanson. Ouais. Mettons. C'est les seuls qui étaient heureux, sûrement. C'était plus facile pour eux, justement, d'avoir ce genre d'appareil-là à portée de main. Parce que les autres aussi, il y avait les gros rubans, mais là, il fallait que tu changes de ruban, il fallait que tu ailles chercher la bonne place sur le ruban, tandis que la cassette, c'est fait comme ça. Et 2 ans plus tard, on était rendu à 2,4 millions d'enregistreuses vendues. Donc, on parle de 1968 cette fois-ci, ce qui était quand même assez incroyable. Et au début, la qualité sonore, par contre, était médiocre. Il s'agissait de bandes miniaturisées en dioxyde de chrome qui s'est amélioré avec le temps. Entre autres, c'est pas en dioxyde de chrome au départ, c'est le dioxyde de chrome qui a amélioré tout ça par la suite, le CRO2. On avait ça sur nos lecteurs Walkman, mais en tout cas, le symbole CRO2? Ouais, c'est CRO2, c'était genre la cassette extrême, c'était incroyable. le format s'est également répandu puisque Philips a décidé de laisser les autres compagnies recréer sa propre invention sans frais, puisqu'il s'agissait d'un médium de transmission. Et rapidement, elle est devenue plus populaire que le 8-track. Le 4-track, les grosses cassettes que probablement François Landry faisait jouer, lui, dans sa Transam quand il avait 16 ans. c'est une cassette qui était beaucoup plus grosse et épaisse, qui comportait qu'une seule roulette à la place de 2 pour une cassette, bien sûr. Et il y avait 4 ou 8 pistes sur cette bande-là qui permettait donc aux amateurs de sélectionner leurs propres chansons. Ce format-là était très populaire dans les voitures. Par contre, les cassettes compactes ont eu un succès différent parce qu'on pouvait enregistrer de la musique là-dessus, bien sûr. Il y a eu des enregistreurs à 8 tracks, mais c'était pas très, très bon. Et d'ailleurs, il faut dire que lorsque c'était des bandes à 4 pistes, mais c'était des bandes mono, puisqu'on pouvait avoir 4 pièces par cassette, dans le fond, tandis que les 8 pistes, ça pouvait être 8 pièces mono ou 4 pièces stéréo. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça fut donc très populaire chez les amateurs de musique portative de pouvoir enregistrer justement ce qu'on voulait entendre et de pouvoir le transporter encore plus facilement. Mais par contre, les 8 tracks et les 4 tracks, ces grosses cassettes-là ont été populaires jusqu'à la fin des années 70 dans les voitures. On en retrouvait quand même beaucoup. Et c'est en 1971 qu'est apparu un modèle plus fiable de cassettes compactes, les cassettes Dolby, qui réduisaient alors les bruits ambiants, offrant donc aux amateurs de musique un meilleur rendement des enregistrements professionnels ainsi que ceux qu'ils faisaient en toute illégalité à la maison. Ah, parce que ça commençait à être illégal, justement. Hein, François? Hein, François? Marchand? Écoute. Ben, ça dépend, ça dépend. En fait, on a toujours dit que si c'est un, si t'as un disque à la maison, oui, et que tu le mets sur cassette, c'est correct. C'est ta propriété, que tu fais juste changer. Si tu l'empruntes, c'est fou. C'est ce que je... Et donc, il fait également nul doute que l'introduction justement de ces cassettes vierges sur le marché permettait un transfert, dis-je, de musique de vinyle ou de la radio sur des bandes de cassettes compactes. On fait donc une peur bleue aux grosses compagnies de disques qui contrôlaient sans vergogne l'industrie à l'époque. Heureusement pour eux, le pire n'est pas arrivé et une taxe bien sûr perçue sur la vente des cassettes ont aussi rassuré ces gros majors. Mmh. N'empêche que la plus belle innovation technologique qui a mis en scène la cassette compacte reste encore à ce jour le baladeur. Le bien sûr. Fameux baladeur. Le jaune. C'était oui. populaire, ça. Oui. Extrêmement populaire. En fait, c'est un lecteur de cassette à batterie, bien sûr, pas plus gros qu'un livre de poche qui permettait aux gens de pouvoir marcher dans la rue, au parc, au supermarché avec leur musique dans les oreilles. Et leur sac banane et pour les batteries de rechange. Ouais, les exactement. Autres cassettes. Les autres cassettes. Il fallait quasiment que tu traînes un petit sac là, à m'emmener ouais. avec toi, un petit sac carré. Le Walkman, bien sûr, comme on aimait bien l'appeler, a emmené la liberté aux amateurs de musique qui n'avaient plus donc à être enchaînés à leur énorme stéréo pour écouter la musique, qu'ils voulaient. Sauf les rappeurs. Ouais, c'est leur ça, gros radio. Le ghetto. Il y avait aussi les ghetto blasters, bien sûr, mais habituellement, les gens qui sont allés vers le Walkman en premier, je crois que c'était plus les gros amateurs de musique qui avaient des vinyles et qui ont décidé de commencer à transférer ça pour pouvoir justement se promener avec leur musique. Parce que, bien sûr, il n'y a jamais un son meilleur que le vinyle. Même les cassettes, là, bah. Il y en a beaucoup qui devaient dire ça à l'époque, mais quand même. Et donc, on aura sûrement la chance, en fait, de discuter des baladeurs et leurs merveilles une autre fois. Tant mieux. Hein? Donc, je vous promets de revenir avec ça. La cassette a également aidé à la montée de l'informatique pendant les années 1980, alors que Bill Gates, Steve Jobs et Steve Wozniak utilisaient des cassettes compactes pour stocker les informations dans le développement du Macintosh, bien sûr. Et certains jeux PC et Mac étaient également disponibles sur cassette, puisque c'était des capacités beaucoup plus grandes pour que vrai? Les disquettes. Oh, ouais. Ça, je savais pas. C'était ouais, les mêmes cassettes? Oui, c'est des cassettes comme pour jouer de la musique que tu branchais après ton ordinateur. Et il y avait aussi, et là je cherche le nom de cet ordinateur-là depuis hier, celui qui jouait juste à des jeux. Là. C'était pas le Coleco, c'était le... Ah, je me rappelle vraiment pas, mais bref, c'était un ordinateur de jeu. C'était un PC de jeu avant même que DOS ou Windows apparaissent. Mm-hmm. Ça existait. Et tu jouais avec des cassettes. T'insérais la cassette. Ouais, et la cassette, donc, c'était là-dessus qu'il y avait ton jeu. Il y avait entre autres un jeu des Ninja Turtles qui avait été fait sur cassette compacte à l'époque. Et ça reculait? Ça avançait tranquillement. Il fallait que tu replaces la cassette au début pour pouvoir avoir tes données du début. Sinon, ça fonctionnait pas, bien sûr. T'avais un bug. OK. C'était la façon, en fait, de stocker les données parce que les disquettes, les grosses floppy qu'on avait à l'époque, que c'était pas beaucoup, c'était genre 104K. C'était vraiment pas beaucoup une cassette. Je pense qu'on pouvait aller chercher pratiquement un meg par côté, hein, ce qui était quand même assez intéressant. Et donc, tout ça était disponible sur cassette compacte. Et de plus, les groupes indépendants de musique ont pu profiter de l'accessibilité de ce média afin d'offrir à leurs fans des enregistrements bon marché et des albums facilement transportables. Ce média a créé une véritable culture underground d'amateurs de musique sur cassette compacte. Les groupes vendaient des cassettes exclusivement à leurs fans, bien sûr, et comportaient également, ces cassettes-là comportaient plutôt des enregistrements inédits ou bien même des albums exclusifs sur cassette. Malajube avec Radiologie. On a rarement entendu du Malajube dans une chronique de Simon Fitbit. Oui, ben comme je le disais tantôt, c'est pas un groupe qui m'est familier puisqu'ils font. Je promets de me reprendre éventuellement par contre. Tellement bon. Tellement ouais, ben, c'est pas que je les aime pas, hein, vraiment. Ouais. Il y a un bout du genre de Malajube, j'aime pas ça. C'est pas vrai. Je trouve ça bon. C'est juste que j'ai pas eu la chance encore de m'initier à ça. Mais bref, pourquoi est-ce qu'on fait jouer du Malajube ouais? dans une chronique sur les cassettes? C'est que leur dernier album, La Caverne, a été disponible sur cassette. Je sais pas s'il y en a encore des copies, mais on pouvait le commander sur Internet, probablement l'acheter également dans leur spectacle. Une bonne quand même cassette. Original, ouais. Ouais, c'est original. Ouais, tu connais They Call Me Rico? Didier Decon a reçu They Call Me Rico en entrevue récemment. Ouais, une cassette. Ils ont fait l'album sur une cassette. Oui, ben c'est en train de revenir. C'est ça qui est incroyable. Cette culture underground des cassettes qu'on avait à l'époque avec beaucoup de groupes indie. Entre autres, il y a un groupe... et là, je suis pas capable de... Je me rends compte que je me rappelle pas du nom. Que t'aurais pas dû commencer cette phrase. Oui, mais en tout cas, il y a des groupes... Il y a plein de groupes, en fait, aux États-Unis, des groupes indépendants qui ont lancé des albums exclusivement sur cassette au début de leur carrière, en plus. Et ces cassettes-là, je suis allé voir sur eBay, là, c'est... Ils se vendent... 3 000 $ yeah! une cassette qui avait coûté genre 7,99 au départ. C'est assez incroyable, mais c'est unique. Et il y a eu moyen de transférer ces cassettes-là en MP3, bien sûr, et le rendre disponible, mais le son n'est pas aussi bon. Mais non, que... c'est ça. Garbage donc, in, garbage out. Ouais. Donc, les cassettes, ça a un son particulier, mettons. Oui, ça a un son particulier. Et quand c'est pas joué dans un bon deck, tape deck, ben c'est ça. Ça va sonner moins bien. C'est et ça. D'ailleurs, la cassette aussi s'use avec le temps, ce qui est très différent. Oui, exactement. C'est pas numérique. De la nouvelle technologie qui s'en venait également quelques années plus tard. Mm. Bref, le baladeur a fortement aidé aux ventes de cassettes compactes et elle fut populaire. Elle fut si populaire plutôt dans les années 1980 que ce médium-là a remplacé le disque vinyle comme forme de distribution des plus populaires. Et la musique, la forme de transmission la plus populaire de la musique pendant les 7 décennies, bien sûr, celle des années 80. Ça a rendu des gens bien tristes, hein, que la cassette prenne le dessus. Oui, comme ça, oui, oui, mais il y a eu beaucoup de jeunes, par contre, qui étaient très contents, parce que c'est vraiment une technologie de jeunes. Ce n'est pas nécessairement les plus vieux qui allaient vers ça. Elle allait continuer, bien sûr, à dominer le marché jusqu'au début des années 1990, alors qu'une petite platine devenait plus populaire au point de remplacer la cassette compacte, bien sûr, comme moyen de distribution le plus populaire. Cette année, en 2011, le dictionnaire Oxford a décidé d'enlever le mot cassette compacte de la version abrégée du dictionnaire, puisque... Malheureusement, l'avènement du CD puis du MP3 ont malheureusement éclipsé cette petite boîte de plastique que nous avons tant écouté, utilisé pour enregistrer nos pièces préférées à la radio et également rembobiner avec un crayon. Surtout. Tu sais, quand le tape sortait dans le Walkman, là, t'étais dans l'autobus, t'écoutais ta musique, puis là, à un moment donné, t'avais du tape qui sortait de partout, fallait que tu sortes ton crayon. Ça mettait du piquant dans la journée. Oui, mais par contre, j'ai vu un lecteur MP3, ça, c'était super intéressant, en forme de cassette. Oui. Et il n'y a pas de batterie. Il y a une batterie dedans, mais la seule façon de le recharger, c'est de le mettre sur un crayon et de tourner. Es-tu sérieux? Oui, c'est la façon pour le recharger. En même temps d'avancer, de reculer, ça tourne. Ça avance comme une vraie cassette, c'est-à-dire que tu as à peu près 15-20 MP3 dessus, c'est pas gros. Non. Puis tu fais jouer ta cassette, puis ça joue. Si tu veux avancer, tu fais tourner. Mais c'est vraiment juste pour le facteur nouveauté, tu suis pas ça comme vrai lecteur MP3. Non, c'est ça, c'est un novelty item, comme on dit. Un facteur nouveauté, voilà. Moi, je trouve des traductions qui valent même pas la peine d'être trouvées quand on peut dire novelty factor. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai. Donc, Simon, merci pour ta chronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben oui, sur les tapes. Ted Mosby, François-Olivier Marchand. Oui, toi, c'est pas vraiment... C'est amical. Oui. Si je pourrais, je te pognerais la petite June même. Je veux voir ça tantôt, moi. Ouais. J'aurais aimé te comparer à Neil Patrick Harris, tu sais. Mais bon. Hey, écoute. Ted Mosby, tu sais. Il y a une belle coupe de cheveux que je réussis pas vraiment à reproduire. Ouais, arrête de te laver les cheveux pendant une couple de semaines. Je pense que c'est ça le truc. Ils sont en train de dire qu'il y a l'air sale. Ben, non, mais ses cheveux. Ils ont l'air bien graissés, je trouve. Ouais, hein? Bien graissés. Donc, Simon Fitbit, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Phénomène d'Assemblage Requis. C'est les jeudis matin à 8h. Sinon, les lundis à 20h, c'est Catalepsie. On rappelle les mercredis à partir de 14h. Prochain sujet? Faut que je vois ça avec, la production. Non, pas la production, mais la programmation. La programmation? Ah oui, tu fais approuver tes sujets par... Ben, c'est pas tant ça, non. Mais c'est que j'ai eu une idée, mais je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. OK. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est lundi soir à 20h. Et puis, t'as aussi Album Classique les vendredis matin à partir de 10h. L'émission où on prend l'album et on l'écoute au complet comme l'artiste le voulait. Yes. Tu dis dans des meilleurs mots que ça dans ton slogan d'émission. Oui, oui. Mais je l'ai pas avec moi, là. Le slogan? C'est pas ton slogan par cœur. Mais... bon. Ouais, on va faire jouer la deuxième partie de l'album Tabarnak. c'est vrai. Cette semaine. Ouais. Oui, nous, on a commencé le nouveau sac Ebatech. Pour intégrer les commanditaires dans, dans nos sacs. À la place de dire Ebatech, on pourrait dire Ebatech. Okay. Ouais. Hey, Taconic, les éphémérides du rock dans Rock Classique, ça commence à 11h, juste après l'album classique. Mm-hmm. Et donc, avec Alain Lefebvre. Voilà. C'est tout pour les plugs. Merci. Merci beaucoup. De plugger. Merci. Ouais, ça nous fait plaisir quand on y pense. On écoute un petit peu de Cœur de Pirate. On revient après la pause avec la chronique politique de François Landry. Restez avec nous. Se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. En prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus. C'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, tu connais la fin. Mais dans ces danses, tant que j'ai à t'appeler, je ne te voudrais plus demain. C'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, mais tu connais la fin. Je sais, tu t'entoures, les vers, les haïkus. Mais rimer ne te donnera pas ce coup. Et loin de ma vie, je cherche une sortie à ce cycle de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, tu connais la fin. Mais dans ces de grandir, je sais, même sans mal. Et tu connais la danse que j'ai à t'aimer. Je ne te voudrai plus demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, Simon Fitzbé. Bonjour. Bonjour. Et François Landry. Oui, je suis là. Oui, c'est la chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Conjoint. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Tousignan-Plante. Merci. Bon matin. Bon matin, monsieur Barbu. Merci. Ça y fait bien, hein? Ça pousse vite, c'est doux, cette affaire-là. Ça se paraît, hein? J'entends dire que... C'est ce qui me faisait peur, là. C'est que tu le saches. Ne présume pas les choses, toi, là. Ah, Simon, il vient de toucher, puis... C'est doux. C'est doux. Toi, est-ce que c'est doux? François? Ouais, ouais, moi, c'est tellement long que ça commence à être doux. OK, François, ah, oui, c'est doux. Landry, moi, c'est doux? Rugueux. Parce que là, tout le monde doit toucher la barbe de l'autre. Bon. Tout le monde a une barbe, tu sais. Ben, moi, j'en ai une courte. Ouais, c'est plus rugueux. C'est plus rugueux, moi. Je te tiens par la barbichette. Aujourd'hui, on parle des partiels dans Bonaventure. Ouais, un gros lendemain de veille pour plusieurs partis politiques. Mm-hmm. Et un gros party pour... Jean Charest. Ouais. Lui, je dirais pas oui. Mais c'est le gros party pour QS, Québec solidaire. Je vais commencer par les élections, les résultats d'élections, parce que lundi dernier, c'était la parcelle de la Bonaventure. Donc, Bonaventure, pour ceux qui veulent se le figurer, là, c'est la rive sud de la Gaspésie. Donc, New Carlisle, Carleton, Saint-Elzéar. Donc, le côté qui a le plus de cabanes en bois rond encore au Canada, okay, par habitant, c'est là. C'est du faux classe pas dans... Les gens vivent pas nécessairement là-dedans, mais... Par habitant. Par habitant. Donc, c'est comme juste la soupe, au... là. C'est bon, c'est bon. Avec beaucoup de sodium. Mmh. Mais c'est bon. Mmh. C'est bon poids. Mmh. Donc, oui, donc c'est toute la côte sud de la Gaspésie, donc milieu très anglophone parce que c'est juste au nord de la. Pas la Nouvelle-Acadie, là, mais le Nouveau-Brunswick, oui, pardon. Okay. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'anglophones qui vivent là. Donc, c'était un château fort libéral depuis toujours, sauf 4 ans. Donc, depuis plusieurs années, c'était libéral. Depuis 98, c'était Nathalie Normandeau qui était là, donc celle qui était vice-première ministre du Québec et qui a démissionné il y a quelques mois de ça. Et c'est d'où la raison d'une partielle. OK, c'est pour ça. Les péquistes avaient dit que les gens de Bonaventure n'avaient pas voté PQ depuis 1858, quelque chose genre... Et ils ont dit ça, c'est Vincent Maxal qui l'a souligné dans Le Devoir. Ils ont vraiment dit ça en discours. Ouais, le gag ici, c'est que le PQ n'existait pas avant 1968. Ah, non, c'est ça. Exact. Donc eux autres même savent même pas qui ils sont. J'adore le Parti québécois, j'adore Pauline. Donc oui, en parlant de Pauline et du PQ, je sais, François-Olivier, que tu adores cette dame, cette grande dame de la politique. Ça me déchire. Celle qui est tellement courageuse, celle qui tient... Le parti à bout de bras. Tient le fort, oui. Donc, dimanche, Pauline déclarait avoir fait une campagne pour gagner l'élection partielle dans Bonaventure et non pas simplement pour réduire l'écart entre les libéraux. Pourtant, le Parti québécois a obtenu 37% et c'était 29% aux dernières élections, donc en 2008. Un gain de 8 points. Les péquistes capitalisent sur le 8 points d'augmentation pour dire, dans une circonscription fort, dans une circonscription fort dans le sens de forteresse, une circonscription libérale, on a fait un gain de 8 points. Le problème, c'est pas avec des gains de 8 points qu'on gagne, c'est quand on bat l'adversaire qu'on gagne. Non, c'est ça, exactement. Et justement, c'était l'occasion de profiter de l'échec, que je pourrais dire, en guillemets, des libéraux avec tout ce qui s'est passé avec la construction. Bon, on en a parlé. Parti libéral le plus bas dans les sondages depuis toujours. Le chef Jean Charest, le plus impopulaire des chefs québécois de tous les temps, avec 30%, même pas, ça a descendu en bas de 30%. Mais y es-tu ça stagne plus les... populaire que Pauline? Oui. Ouais? Non, excuse-moi, il est moins populaire que Pauline, mais il ferait un meilleur premier ministre que Pauline. C'est deux questions dans un sondage. Ah, OK. La nuance est là. Hein? Donc, le PLQ a obtenu 49,5%, le Parti québécois 37,2%, Québec solidaire 9%, ADQ, ça, il y a un gars qui s'en vient tantôt, 2,3%. Okay. Et le Parti vert, la grosse joke de Bonaventure, 1,3%. Oui. Je vais revenir aussi pour Parti vert, parce que là, après Pauline, tu sais, le Parti vert, mon dada... Parti vert, le candidat d'ailleurs qui avait dit de voter pour Pauline. Ça s'en vient, okay. Il y a encore plus de croustillants tantôt. Ouais. Donc, pour le Parti québécois, c'est vrai qu'il avait une grosse côte abrupte à surmonter, mais celle de Mme Marouel était plus encore parce que c'était sa carrière, veut pas qu'elle jouait, même si elle ne veut pas l'avouer. Elle s'est investie carrément, mais elle a été 8 fois en personne dans Bonaventure. C'est très rare qu'un chef y va tant que fois de ça. Gérard Deltel, il est allé 2 fois, juste pour comparer. Puis Jean Charest, 2, 3, 4 fois, là, grosso modo. Parce que la circonscription est immense, là. C'est vraiment toute la côte sud de la Gaspésie. Donc c'est immense. La chef péquiste a toujours refusé d'y voir un test pour son leadership. Mais le problème, c'est que c'est pas elle qui décide si c'est un test ou non. C'est sa base militante. Et le Conseil national aura lieu fin janvier. Et il y aura à l'ordre du jour Démission. Mise en cause du leadership. Hey. Quelque chose comme une formulation similaire à ça. Je n'ai pas le libellé exact, mais... Mais ça n'avait pas été retiré. Ça avait été retiré quand le Conseil national devait avoir lieu la fin de semaine dernière. Ouais. Et, ils ont entendu à cause de la partielle. Sous prétexte de la partielle, mais ce qu'on savait, c'est que la veille qui retire ça, l'association des Mille-Îles, que j'ai parlé la semaine dernière ouais. Avait fait la proposition. Et comme par hasard, quelques jours après, on retirait la proposition. C'était nébuleux, cette histoire-là. Donc, face à un gouvernement aussi impopulaire qui a multiplié les scandales, il s'agit d'une véritable gifle et qui est de très mauvais augure pour les prochaines élections générales. Parce qu'on s'entend, ils ont grimpé de 8 points dans un gouvernement extrêmement impopulaire. Dans une générale où, là, c'est la machine au complexe qui met en marche, c'est difficile à faire sortir 125 circonscriptions pour aller voter du bon bord, selon Pauline. Face à un gouvernement aussi impopulaire, faut se demander si le Parti québécois a encore le choix d'être dirigé par Pauline ou de revisiter de fond en comble son programme. Pour l'instant, ils ont fait les deux. Bon, à l'ordre du jour, il y a une motion de remise, pas en question, mais de discussion sur le leadership de Pauline Marois. Et il y a aussi, c'est sorti hier dans les médias, des nouvelles propositions pour améliorer la démocratie au Québec. Ça a été pigé, on s'en souvient, dans les plateformes de réflexion de Bernard Drainville et d'un autre député qui vient de les Laurentides, j'oublie son nom, mais qui ont, cet été, ont parcouru le Québec, ont mis sur papier des réflexions sur comment améliorer la santé de la démocratie au Québec. Et là, Pauline serait prête à intégrer ceci au programme du parti. Mais pourquoi la démocratie... Non, pour montrer que la démocratie au Québec... Ça va pas bien? Elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre. Parce que c'est une démocratie basée sur le régime parlementaire britannique qui date de 1867. On sentait qu'il n'est pas mis à niveau. Est-ce que la proportionnelle devrait avoir lieu au Québec? Plusieurs partis disent oui, puis avec la proportionnelle, on va enfin avoir... La majorité des... Non, une diversification des idées. Donc, les tiers partis vont avoir le droit au chapitre. Aussi, le chef, est-ce qu'il devrait se faire élire au suffrage universel plutôt que quand tu es chef d'un parti et que le parti gagne, tu deviens automatiquement premier ministre? Ça serait bien de pouvoir voter pour un parti et pour un chef d'État, comme aux États-Unis. On peut voter républicain, mais on veut Barack Obama à la tête du pays. Donc, ça pourrait être semblable à ça. Donc, réflexion. Et Pauline veut aussi discuter du droit de vote à 16 ans. Grosse discussion ici de société à faire. Si t'as pas le droit de prendre une bière à 16 ans, as-tu le droit de voter? Peut-être que c'est l'âge de la bière qu'il va falloir changer. T'as pas tort, Mathieu, parce qu'on a le droit de chauffer à 16 ans, le droit de boire de l'alcool à 16 ans. J'ai mon ami Tommy Grenier, mon collègue, en fait, Tommy Grenier, qui a une belle réflexion là-dessus. Il a dit, avant de donner le vote à 16 ans, il faudrait peut-être éduquer les gens qui sont déjà en âge de voter. Ben oui. Voilà. Tommy, que je connais très bien aussi, est une sommité en matière de démocratie. Une tomité, comme on dit. Une tomité. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éducation à faire sur le mode électoral. Donc, est-ce que c'est le système d'éducation au Québec qu'il faudrait changer? Instaurer un cours de citoyenneté, d'éducation politique? Il y en a déjà. Ouais, on s'entend qu'il y a des grosses guillemets très grosses autour. Ils aiment pas ça, les profs de cette cour-là, quand on leur dit c'est ça. C'est sûr, eux autres même, ils vont même pas voter. J'en connais aussi qui veulent voter pour François Legault. C'est ça le problème. Futur prof. C'est ça le problème. Bon, l'ADQ. Ça, l'ADQ, ça a été la déconfiture totale de l'ADQ. La déconfiture. La déconfiture. Oh, j'aime ça, ce jeu de mots-là. La déconfiture. Ça me fait plaisir. Je vais le mettre sur mon Facebook tantôt. Copyright, Mathieu Plante. Oh, c'est clair que je te souligne. C'est clair. Mon cher Gérard était sonné. Oui. Selon la presse. Oui, écoute plutôt. Toujours sonné, le chef ADQ Gérard Deltel peinait mardi à expliquer la déconfiture de son... La déconfiture, j'aime ça. Merci. Par le candidat Georges Pinchot, qui a terminé en quatrième position, alors que c'était le troisième parti en importance au Québec, loin derrière Québec solidaire avec ses 2,3% des votes. Le leader de l'ADQ a d'ailleurs commis un lapsus, un très beau lapsus qui en dit très long sur son tourment, en affirmant qu'il ne faut pas se mettre la tête dans l'autruche. Dans l'autruche. Et là, je vous prête... C'est une très belle place pourtant. Je vous prête le devoir de ce matin, la caricature. Ouais. Tu peux la lire tout haut, Mathieu. OK, donc, on dit, il y a la phrase, un projet de loi pour contrer la maltraitance d'animaux. Donc, tu as des autruches qui ont des pancartes dans les mains. ADQ, Association des autruches du Québec. Notre corps nous appartient. T'as ensuite, c'est qui le gars là, avec la matraque? C'est un policier. C'est un policier qui dit « on a eu une plainte, auriez-vous dit, je cite, je ne suis pas le genre de gars à mettre la tête dans l'autruche. » Et lui de répondre « c'était un malheureux lapsus. » Avec ses pantoufles en forme de lapin. Ben oui. Tout à fait. Ah, c'est joli, c'est beau. Là. Donc, une très belle caricature dans Le Devoir ce matin pour justement rire du ridicule de Gérard. Et il y a une autre caricature que j'ai pas avec moi. Dans Le Soleil aussi, on voit la grosse face d'une autruche avec le sourire éberlué et un phylactère qui provient d'en bas de la case où on voit personne et on entend Gérard. On sent que c'est Gérard qui parle pour dire « Mon programme se précise. » J'arrive. Donc oui, sur le fond, Gérard Deltel, qui s'était personnellement impliqué dans la campagne, considère que les électeurs n'ont pas souscrit à ses propositions. Il faut vivre avec les conséquences de ça, dit-il. Pourtant, ça va le situer dans une drôle de position pour négocier sa fusion avec la CAQ. Ouais, ça parce part que bien. Si ça part les bien. Gens ne veulent pas du programme de l'ADQ et qu'ils fusionnent, vont-ils vouloir du programme de la CAQ? Donc, la CAQ, François Legault, pour ceux qui s'en souviennent déjà plus, va dire à l'ADQ, écoute bien, on n'a même pas besoin de toi pour faire un parti. Tout ce qu'on a besoin, c'est de ton membership. Parce que c'est comme ça fonctionne, des membres. On va les piéger dans ta banque, mais pour tes idées, on repassera. Ils sont très peu populaires. Donc, ça met Gérard Deltel dans la barre pour les négociations, du moins. Ça le met dans le caca des culs. Caca des culs. Ouais. Moins bonne, mais je te. Elle était bonne la semaine passée quand je l'ai faite la première fois, oui, je trouvais. Mais bon. Ouais. Pour nos chers amis du Parti vert du Québec. Là, on avait un peu souri à l'idée que le candidat Jean Cloutier avait dit aux gens « Votez pas pour moi, votez pour le Parti québécois parce que eux autres ont plus de chances de gagner et ils ont un meilleur programme à côté vert. » Le chef du Parti vert, Claude Sabourin, avait rabroué dans les médias son propre candidat. Donc, était pognée dans le parti. Mais là, c'est est vraiment pognée dans le parti. Ah ouais, t'es sûr? Ah oui. Parce que Jean Cloutier a été particulièrement déçu de son résultat. Seulement 205 votes. Pour ce parti-là. Ah ouais, c'était sur 20 000, là. On s'entend que c'est pas beaucoup. il reconnaît que la controverse entourant sa déclaration, le fait que les souverainistes devraient voter pour les péquistes et les fédéralistes, ne l'a pas aidé. Il n'a d'ailleurs pas du tout apprécié d'être rabroué par son chef Claude Sabourin. Oh, pauvre chouette, hein? Oui, pour Tipette. Je cite, « Monsieur Sabourin n'a pas eu une bonne réaction et ça a fait le tour du Québec, déplore Le Vert, qui a bien l'intention de demander des comptes au cours des prochaines semaines. » Je suis davantage, dit-il, impliqué au fédéral qu'au provincial. C'est pour aider les Verts du Québec que j'ai accepté de me présenter dans le comté. Tant que Claude Sabourin sera chef du parti, je n'y militerai plus. Je quitte pour l'instant en exigeant un congrès sur les coalitions et un vote de confiance sur le chef. La diva Cloutier. Ça brasse. Hein, ça brasse au Parti vert. On verra bien s'ils ont un congrès là-dessus. Ils ont-ils un moyen d'avoir un congrès? Aucune idée. Je connais pas les finances de ce parti-là. Mais si ça prend au moins 4% des votes pour se faire rembourser les dépenses électorales, et lui a obtenu 1 point quelques pourcents. Donc, tout ce qu'il investit, il le perd automatiquement. Je connais aussi un candidat du Parti vert qui était chez moi, d'ailleurs, aux élections fédérales. Et il savait que son parti n'allait pas remporter les élections. Mais lorsqu'il a vu que le bloc s'en allait, là, il était fâché aussi. Pourtant, t'es un vert, t'es pas un bloquiste. C'est ça! Parce que les Verts étaient ni à droite, ni à gauche, ni souverainistes, ni fédéralistes. Un caquiste vert, si on veut, parce que même les caquistes ne sont sans aucune opinion. Ouais. Et eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est le développement durable. C'est très noble comme idée, comme défense. Sauf que quand dans les partis verts, il y a des souverainistes et des fédéralistes, veut pas, la tension monte. Et quand un parti plus qu'un autre gagne aux élections, ils sont en dichotomie avec eux autres. Ils sont, sans être méchant, c'est une genre de schizophrénie politique parce qu'ils ne savent pas pour qui ils devraient voter. Ils votent pour les Verts, bien évidemment, mais sans savoir quel projet politique ils veulent amener. C'est du développement durable. Le Parti vert, j'apprécierais personnellement qu'il se transforme en gros groupe de lobby comme Greenpeace, mais plus mouvement social comme Équitaire et tout ça. Ils feraient une plus grande job et leur message passerait mieux parce qu'à chaque fois qu'on voit des candidats sortis de nulle part comme ça, ils se discréditent plus qu'ils augmentent la sympathie pour le parti. C'est ce qui est malheureux. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, quand t'as n'importe qui se présente, il faut faire face à la musique. Là. Mais un Greenpeace qui brûle moins de gaz, par contre, parce que j'étais allé écouter des vidéos de Sun TV, puis là, il y avait Ezra Levant là, qui parle comme ça. Oui, il parlait de Greenpeace, puis il disait que ça faisait. C'est vrai, par contre, je suis d'accord avec lui, ils brûlent beaucoup de gaz, Greenpeace, avec leur bateau. Ouais, ils ont beaucoup à apprendre d'eux-mêmes, je crois. Ouais. Donc, lendemain de veille pour trois des cinq partis politiques. Mais il y a deux victoires quand même à célébrer. On s'entend, le Parti libéral est très content de conserver cette forteresse. Jean Charest qui disait que c'était un message extrêmement important qui avait été envoyé à la classe politique pour dire que même impopulaire, on gagne. Que les prochaines élections, on va être là comme un seul homme. Mais la plus grande victoire morale, sinon en termes de crédibilité, c'est Québec solidaire qui l'a obtenu. Il ne pouvait que se réjouir du score de sa candidate Patricia Cloutier qui a presque triplé le nombre de voix depuis 2008. C'était elle en 2008 qui s'était présentée. Elle se représente. Elle passe de 2 à 9%. Donc, elle s'est pété les bretelles en disant « enfin ». Et tout sourire, la présidente et porte-parole du parti, Françoise David, s'est dit encouragée par la progression de QS hors Montréal. Et là, je cite sa phrase parce qu'elle résume très bien ce que les gens peuvent penser de Québec solidaire. « S'il y en avait encore qui croyaient que QS n'est que le parti du plateau Mont-Royal, ils doivent vraiment se détromper. QS est aussi, et de plus en plus, le parti des régions a continué à Amir Kadir en conférence de presse. » Tu vois, c'est drôle hein, parce que j'ai un ami qui est très conservateur, moral, et qui est membre de la DQ. En fait, qui était membre de la DQ maintenant d'Option nationale parce que conservatisme moral est là aussi, mm-hmm. Option nationale. Et il disait que, dans le fond, Québec solidaire a prouvé qu'il un parti montréalais avec ces élections-là. Et question d'être déconnecté complètement de la politique, pas savoir ce qui s'est passé avant. Là. Okay. C'est à s'en taper les cuisses. Oh! J'espère que tu vas faire une chronique sur les jeux de mots politiques. Ah oui. Oui. T'as un mail. Je vais juste prendre des soundbites de toutes les bouts, ceux qui ont fait des jokes. On va faire une émission avec une demi-heure non-stop. Trois minutes, quatre minutes. OK. Donc, il fut une époque où les artistes appuyaient le PQ. On s'entend, les Paul Pichet, Robert Charlebois et tout ça appuyaient le PQ. Mais cette fois-ci, c'est Mme Chartier de Québec solidaire qui s'est affichée en compagnie de Richard Desjardins et de Kevin Parent, le célèbre Gaspésien. Ah oui, Kevin Parent, seigneur. Oui, quand même. Tu l'as bien. Sans parler d'une trentaine de médecins de la région qui ont tous été favorables aux propositions de QS pour accorder un droit de veto aux municipalités sur les projets miniers. Bon, Richard Desjardins, mine, Kevin Parent, développement durable. Donc, ça serait aux municipalités de décider. Ouais, le droit de veto, comme parenthèse à Saint-Élie-Caxton, où j'habite. Il y a un projet minier qui est en développement et ça serait que, genre, dans ma cour. Le T'es sérieux? Oui, dans ma cour physiquement. Là. Il t'exproprierait? Ouais, parce que le sol m'appartient, mais pas le sous-sol. Donc, ils pour vont aller. Donner un cinquième la valeur de ta maison pour. En tout cas, les négos, je sais pas trop quoi. Mais on pourrait dire qu'ils vont faire mine de rien, ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'on évite pas à parler pour que François ait le meilleur de ça. Sinon, c'est ça. Ouais. Puis donc, la municipalité a pris position à l'unanimité contre le développement minier et a porté plainte, pas à l'ONU, mais en Cour suprême pour interdire, donc pour s'approprier le dessous de la ville. Donc, pour l'instant, je fais confiance en mon maire. Il met ses clopes. Oui, mais ça peut être dangereux. Regarde, notre cher maire Yves Lévesque, lui, est un fan du plan Nord. Hein? Fait que, ouais. Je ferai une autre chronique justement sur les trous dans la loi sur les mines. On peut... Toi, moi, Mathieu et François, s'acheter un droit minier ici même, en dessous de l'UQTR, et exproprier l'UQTR. Selon la loi, on a le droit de faire ça. Ça coûte à peu près 30$ acheter un permis. Ouais, c'est un bon numéro, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas pensé à ça. Les appartistes, ils ont fait un numéro avec ça à leur dernière revue de l'année. C'était très bon. Oui, ben, ça reprend parce qu'ils sont dans une campagne justement contre les mines pour que le Québec ait meilleures mines. Et eux ont acheté le Mont-Royal. Donc, on dit, si vous voulez pas que le Mont-Royal disparaisse, à Montréal, c'est un gros symbole. Le sol nous appartient au Mont-Royal. Donc, faites changer la loi. La loi est en train de se faire modifier parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'ils ont le droit de faire ça. Il va juste falloir ce soit les grosses compagnies qui en achètent. Pas être tout le monde. Les compagnies, c'est pas du monde, finalement. Donc, voyant les résultats très désastreux dans Bonaventure, le Parti québécois n'a pas le choix de mettre à son programme de janvier. Il va le faire. Présentement, c'est pas officiel encore, mais ça se discute d'une proposition de coalition progressiste et souverainiste pour les prochaines élections. Parce que le Québec solidaire a grugé beaucoup de pourcentages de vote au Parti québécois. Et là, la CAQ n'était même pas dans le décor encore. Et on sait que la CAQ attire aussi beaucoup de péquistes. Plus de péquistes que de libéraux. Donc, si on veut pas que Option nationale, qui n'était pas dans Bonaventure, que Québec solidaire et que la CAQ volent des votants au Parti québécois pour pas se retrouver en tiers parti comme l'ADQ, Pauline n'aura pas le choix de mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin. De serrer des mains avec d'autres chefs. Et voilà. Et ce qu'elle refuse de faire jusqu'à présent. On verra pour les élections à venir, mais rien n'augure quelque chose de bon pour le Parti québécois tant si longtemps qu'ils ne donneront pas un sérieux coup de barre. Mais tant qu'elle s'en ira pas. Je sais pas. C'est encore la femme de la situation, Pauline. Hein? Ah, mais qui tu verrais? Qui? C'est que vous pensez qu'il pourrait venir remplacer Pauline? Ben, c'est ça. C'est le seul qui est dans le... C'est le seul qui est dans la mire, donc... Ouais. Ben, c'est ça. C'est... Tu sais... C'est ça. Être Nostradamus, je serais riche avec Pauline, hein, fait que... pour l'instant, c'est ça. Donc, janvier, Pauline Marois, dernier... après les fêtes, on va savoir si Pauline reste ou prend sa retraite officiellement. En fait, c'est sa dernière chance de sortir. Sinon, son parti risque de vraiment s'autodétruire. Soit s'autodétruire ou simplement être rayé de la carte aux prochaines élections. Moi, mais tu sais, je dis pas... Puis je dis pas si, exemple, elle aurait des problèmes financiers. Tu sais, tu dis, bon, tu sais, elle veut travailler. Non, c'est... C'est pas ça, là. C'est parce que là, c'est de l'entêtement. Et puis, amène, quand tu mènes ton équipe, là, vraiment, tu sais, dans par en bas, là. Mais vivement le temps des fêtes, un temps de recul pour elle, pour réfléchir et trouver une solution qui pourrait bien la faire paraître dans le livre d'histoire à écrire plus tard. Va-t-elle quitter la tête haute ou se faire kicker out? Ouais. L'histoire nous le dira. Oh, ouais. Ouais. On verra. Comment on va envoyer ça à un bot sur MIRC, on va voir si ça ne veut pas être kické out. C'est encore ça? Oui. OK. Ah ouais. Okay. Merci, François-André. Ouais, fait plaisir. Mais tu... Avant qu'on termine, il faudrait me censurer, par contre, parce que j'ai un tweet de Bernard Drainville à lire et il y a des numéros là-dedans qu'il faudrait censurer entre un jour. Okay, je vais censurer moi-même, au pire. Parfait. Mais vous irez voir sur Twitter. Bernard Drainville, le numéro de téléphone de M. Harper, 613-992-42-BIP-BIP. Et M. Paradis, 418-338-29-BIP-BIP. Mais vous pouvez aller voir sur Twitter, c'est là. Pour, en fait, c'est pour sauver les données du registre des armes à feu. Monsieur Paradis, est-ce qu'on parle de François Paradis, l'animateur de non, je pense pas. Non. Hey, d'ailleurs, en parlant de Paradis, avez-vous vu les francs-tireurs avec Paradis, le député anti-Charest? Oui. C'était quand même assez bon. Pour un gars de droite, là, je trouve qu'il y a bien de l'allure. Pas vu ça. Non, ça vaut la peine. Vous irez voir ça sur Internet. Oui, c'est disponible. Toutes les émissions sont disponibles. Télé-Québec.tv. C'est ça. Donc, merci François-André. Fantastique. La semaine prochaine, jeudi à 8h30, pour une autre chronique Logocratie 601. Ouais, monsieur. Et nous, on va terminer l'émission sur une note un petit peu. Enfin, on va finir l'émission, on en parlera après, parce que ça va l'air bien trop déprimant de finir là-dessus. Oui, hey, toi. On va dire au revoir à tout le monde. On va se retrouver lundi matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage Requis. Lundi, à l'émission, on a Kiwan en cavale. Kiwan. En direct de l'Alberta, toujours. Xavier Antoir avec sa chronique Tais-toi cuisine et Nicolas Ducharme avec sa chronique sport. Xavier, Nicolas. Je les aime tous des anciens collègues de gauche à droite. Mais Xavier, on va le perdre, hein? C'est vrai. Ah non. Oh oui. Mais pour un moment, il va peut-être revenir à son retour. Je viendrai vous faire du thé, les garçons. D'accord. Merci. Restez à l'écoute pour La Sécheuse dans quelques minutes. Puis après ça, ce sera CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques CNX d'Assemblage Requis. À 11h, les sitcoms avec Denis Janvier. 6 degrés est à 13h avec Kim Bergeron. Je serai de retour avec Marie-Pierre Laforge-Bourret pour les palmarès 6 fois à partir de 14h. Et puis plus tard en soirée, La Spirale, Skypunka et Le Lobby. Voilà donc pour la programmation. Allez voir sur le CIF.ca et allez sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Simon Fitzbay, oui, on termine sur une note triste un petit peu. Effectivement, puisque aujourd'hui on est le 8 octobre et le 8 décembre 1980, en la soirée, je crois que c'était à 11h, quelque chose comme ça, John Lennon se faisait tirer, en fait, je crois que c'est 4 ou 5 coups de fusil dans le dos en revenant à la maison. Ce soir-là, il est décédé, je pense, une heure plus tard à l'hôpital. C'est incroyable. Donc on va écouter une pièce de John Lennon pour se quitter. Oui. Oui, merci. Laquelle? C'est Imagine. Imagine. Bon, on écoute ça. La plus belle pièce. Bonne fin de semaine. Merci, bye bye. Au revoir. Merci tout le monde.